Thank you. There are C'est pas vrai. Jeff, ça. Jeff qui retranscrit. C'est pas le Jeff que je connais des fois, non? J'ai un retour, je sais pas comment le. J'ai un effet réverb là, c'est chiant. Bon, 100 BPM, on va jouer quoi avec ça? Na na na na na na na.